so of Transpontinium. Ha ha ha. initially. Hey, lash it for man in the gold mine to Boto. Boto. Immigration control dog. It's an immigration control dog. That's his dog. That's his dog. In DrYourLove.com. Even though there are no Eight years in Pompo. The frog swallowed the Chevy Impala. Oh, when they look at him, like he was a somebody, Vous êtes toujours bien calé sur les ondes du 100 FM Radioactive, Lost in Space, le live de Blurt, c'est fini à l'instant. On continue maintenant avec Slow Dive, que vous avez peut-être vu au Pointu Festival tout début janvier. C'est un de leurs derniers morceaux, Star Roving. Et pour accompagner tout ça, Naomi Klein qui nous parlera de réchauffement climatique et de capitalisme. « Les progressistes ont su comment s'y prendre. L'histoire des luttes populaires pour la justice économique et sociale est riche d'éclatantes victoires en situation de crise majeure. Mentionnons parmi elles les politiques du New Deal adoptées aux États-Unis dans la foulée du krach de 1929 et les innombrables programmes sociaux mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Ces politiques étaient vues d'un si bon œil par les électeurs que leur mise en œuvre n'a jamais nécessité de recours au genre de supercherie autoritaire dont j'ai fait état dans la stratégie du choc. L'essentiel était de bâtir de puissants mouvements de masse capables de résister aux défenseurs d'un statu quo défaillant et de revendiquer un meilleur partage de la richesse au bénéfice du plus grand nombre. Bien qu'ils soient menacés, des fruits de ces moments historiques exceptionnels subsistent encore de nos jours en de nombreux pays. Ainsi, des régimes publics d'assurance maladie, des pensions de retraite, du logement social et du financement public des arts. Je suis convaincu que le dérèglement climatique représente une occasion historique à une échelle plus grande encore. Dans le cadre d'un projet de réduction des émissions de GES au niveau recommandé par de nombreux scientifiques, nous sommes en effet de nouveau en position de proposer des politiques susceptibles d'améliorer considérablement la vie de bien des gens, de diminuer l'écart entre riches et pauvres, de créer une multitude d'emplois dignes de ce nom et de régénérer les fondements de la démocratie. Loin d'entraîner un durcissement de la stratégie du choc où l'accaparement des ressources et la répression atteindraient leur comble, la crise du climat pourrait susciter un sursaut citoyen, une secousse venue de la base, capable de répartir le pouvoir entre les mains du plus grand nombre et d'élargir considérablement le domaine des biens communs, lesquels cesseraient ainsi d'être vendus aux plus offrants morceau par morceau. Les stratèges du choc mis sur les situations de crise, tant réelles que forgées de toutes pièces, pour faire adopter des politiques exposant la population à de nouvelles crises. Les transformations dont il est question ici auraient, elles, précisément l'effet inverse. Elles s'attaqueraient à la racine du problème qui provoque des crises à répétition et nous permettraient d'envisager des conditions climatiques plus hospitalières que celles vers lesquelles nous nous dirigeons, tout en dotant l'économie d'assises plus équitables. Thank you. what the light did now. A bearing like a bounce upon the beacon. Look at what the light did now. Flow. Land and water and bird are beast. Oh, look at what the light did now. Shiny little band or golden fleece. Oh, look at what the light did now. Look at what the light did now. Depuis que je suis né. Ainsi s'exprimait l'étudiante canadienne Anjali Appadurai devant les délégués des gouvernements réunis pour la conférence des Nations Unies sur le climat, tenue en 2011 à Durban, en Afrique du Sud. La jeune femme n'exagérait pas. Les gouvernements discutaient de prévention du changement climatique depuis déjà plus de 2 décennies. Ils avaient commencé à négocier l'année où Anjali était née. Pendant tout ce temps, vous avez failli à respecter des objectifs, manqué des cibles et rompu des promesses, poursuivait-elle lors de ce discours mémorable, prononcé au nom de tous les jeunes qui assistaient à la conférence. En vérité, l'organisation intergouvernementale chargée de prévenir toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique s'est non seulement montrée incapable du moindre progrès en 20 ans de travaux et plus de 90 réunions de négociations, mais elle a aussi supervisé un processus pratiquement ininterrompu de rupture d'engagement. Les gouvernements ont perdu des années à trafiquer les chiffres, à se quereller sur les dates d'entrée en vigueur des mesures, cherchant sans cesse à obtenir des délais supplémentaires, à la manière d'étudiants en retard dans la remise de leurs copies. Bye. but that's never. Les conséquences catastrophiques de ces faux fuyants et de cette procrastination sont indéniables. Selon des données préliminaires, les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont été plus élevées de 61% en 2013 par rapport à 1990, année où ont été amorcées des négociations sérieuses pour la mise au point d'un traité sur le climat. Plus on parle de la nécessité de limiter les émissions, plus elles augmentent, constate John Reilly, économiste au Massachusetts Institute of Technology. D'ailleurs, la seule chose qui s'accroît plus vite que les émissions, c'est la quantité de mots par lesquels on s'engage à les réduire. Entre-temps, le sommet annuel des Nations Unies, qui demeure le meilleur espoir de percée en matière d'action sur le climat, en est venu à ressembler moins à un forum où l'on négocie activement qu'à une thérapie de groupe aussi coûteuse que polluante, à un cabinet où les délégués des pays les plus vulnérables extériorisent leur colère et leur désarroi, cependant que les représentants subalternes d'États largement responsables de leur triste sort contemplent le bout de leurs chaussures. I don't know why I love you, but try. Cette ambiance règne depuis l'échec de la conférence hautement médiatisée de 2009 à Copenhague. J'ai passé la dernière soirée de cet imposant rassemblement en compagnie d'un groupe de militants pour la justice climatique. Parmi eux se trouvait l'un des militants les plus en vue du Royaume-Uni. Tout au long du sommet, le jeune homme avait incarné le flegme et la confiance en soi, discutant chaque jour avec des dizaines de journalistes de l'évolution des négociations et de la signification concrète des objectifs de réduction des émissions. Malgré l'ampleur des défis, son optimisme quant aux chances de réussite de la conférence était resté inébranlable. Mais une fois les pourparlers terminés et le semblant d'accord conclu, s'effondrant devant nous, il a éclaté en sanglots sous les néons blafards d'un restaurant italien. « Et moi qui croyais vraiment qu'Obama avait compris », répétait-il inlassablement. We'll be right back. Maybe Avec le recul, j'en suis venu à penser que cette soirée avait constitué le passage à l'âge adulte du mouvement, le moment où chacun a vraiment réalisé que personne ne viendrait nous sauver. La psychanalyste et climatologue Sally Weintraub considère cette prise de conscience comme la contribution essentielle de ce sommet. Un douloureux constat du fait que les dirigeants ne s'occupent pas de nous, qu'ils vont jusqu'à ne même pas se soucier de notre simple survie. Peu importe à quel point nous sommes habitués à la médiocrité des politiciens, une telle conclusion n'en est pas moins un coup dur à encaisser. Oui, nous sommes livrés à nous-mêmes, et dans cette crise, tout espoir digne de ce nom ne pourra venir que d'en bas. Thank you. À Copenhague, les gouvernements des principaux pays émetteurs, dont les États-Unis et la Chine, ont signé un accord non contraignant par lequel ils se sont engagés à stabiliser l'augmentation de la température moyenne à 2 degrés au-dessus du niveau d'avant l'ère industrielle. Cet objectif bien connu, qui représente prétendument une limite sûre au dérèglement climatique, a toujours été un choix hautement politique qui vise davantage à tempérer les perturbations de l'économie qu'à protéger le plus grand nombre de personnes possible. Lorsqu'on a officialisé cet objectif à Copenhague, de nombreux délégués s'en sont indignés, affirmant qu'ils condamnaient de petits États insulaires de faible altitude aussi bien que de vastes régions d'Afrique subsaharienne à la peine capitale. Cet objectif est en fait très risqué pour tout le monde. À ce jour, la température moyenne n'a grimpé que de 0,8 degrés Celsius et on en constate déjà les conséquences alarmantes. Parmi lesquelles la fonte sans précédent de la calotte glaciaire du Groenland a été 2012 et l'acidification beaucoup plus rapide que prévu des océans. Laisser la hausse des températures atteindre plus du double de cet écart aura immanquablement de graves répercussions. Oh, baby. my black little lady. Dans un rapport publié en 2012, la Banque mondiale présente les risques que comporte l'objectif des 2 degrés. En approchant et en dépassant les 2 degrés, le réchauffement planétaire risque de déclencher des phénomènes non linéaires, irréversibles. Parmi ceux-ci, mentionnons la désintégration de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, qui pourrait accélérer la hausse du niveau de la mer, et la dégradation à grande échelle du fleuve Amazon, lequel aurait un effet dévastateur sur les écosystèmes, les cours d'eau, l'agriculture, la production d'énergie et les moyens de subsistance des populations. De tels phénomènes, qui pourraient contribuer à leur tour au réchauffement planétaire au cours du XXIe siècle, auraient un impact sur tous les continents. Autrement dit, au-delà d'un certain seuil, on n'a plus la moindre prise sur l'augmentation de la température. Mistakes in my life. Un problème plus grave se pose toutefois et explique pourquoi la conférence de Copenhague a désespéré tant de gens. En ne parvenant pas à se mettre d'accord sur des objectifs contraignants, les gouvernements sont libres d'ignorer l'essentiel de leurs engagements. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. En fait, les émissions augmentent si rapidement qu'à moins d'un changement radical de la structure même de notre économie, l'objectif des 2 degrés fait d'ores et déjà figure de rêve utopique. Les environnementalistes ne sont pas seuls à sonner l'alarme. Lorsqu'elle a publié son rapport, la Banque mondiale elle-même a émis cette mise en garde. Au train où vont les choses, le monde de la fin du siècle sera plus chaud de 4 degrés et sera marqué par des vagues de chaleur extrêmes, un déclin des réserves mondiales de nourriture, la perte d'écosystèmes, l'appauvrissement de la biodiversité et une hausse du niveau de la mer qui mettra des vies en danger. De plus, il n'existe aucune certitude que l'adaptation à un monde plus chaud de 4 degrés soit possible. Kevin Anderson, directeur adjoint du Centre de recherche sur le climat Tyndall, qui s'est rapidement établi comme l'un des plus importants instituts de ce genre au Royaume-Uni, est encore plus direct. À ses yeux, un réchauffement de 4 degrés est incompatible avec toute représentation raisonnable d'une communauté mondiale organisée, équitable et civilisée. Nous ne savons pas précisément à quoi ressemblerait un monde plus chaud de 4 degrés. Mais même les scénarios les plus optimistes laissent présager une situation catastrophique. En 2100, le niveau moyen de la mer pourrait avoir augmenté d'un mètre, voire de deux, auquel viendrait irréversiblement s'ajouter quelques mètres supplémentaires au cours des siècles suivants. Des États insulaires tels que les archipels des Maldives et des Tuvalu pourraient se voir engloutis, tout comme de nombreuses zones côtières d'Équateur, du Brésil, des Pays-Bas, de Californie et du nord-est des États-Unis, ainsi que de vastes régions d'Asie du Sud et du Sud-Est. Parmi les grandes villes potentiellement en péril, mentionnons Boston, New York, Los Angeles, Vancouver, Londres, Bombay, Hong Kong et Shanghai. This is the city.